بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فانتهينا ولله الحمد من دراسة كتاب الصيام من الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله تعالى لكل خير. Donc on a terminé l'étude du chapitre du صيام de ce livre الملخص الفقهي واستفدنا ولله الحمد واليوم نقرأ بابا كذلك lié au mois de Ramadan وهو باب في صلاة التراويح وأحكامها. Et c'est un bab مختصر كما ترى. Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى dans ce livre il a résumé لأن c'est un livre pour les débutants. Et كما تقدم معنا dans plusieurs chapitres qu'on a étudié de ce livre أنه c'est un كلام مفيد سهل. C'est ça le but. كلام مختصر. Et on essaye de comprendre ce kalam, bien sûr fondé sur des preuves du Coran et de la Sunna, avec la compréhension des salaf, les sahaba radiyallahu anhum, wa man ja'a ba'dahum. Et al-qasdu, c'est l'amal. Ma kathratul ilm, kathratul aqwal, wa riwayat, wa al-muradi' wa al-kutub. Thumma, il n'y a pas de amal, fahada. C'est d'aucune utilité. Bel, c'est une hujja ala sahib hada ala man yaf'al hada ayyadan billah. Donc l'ilm, c'est pas kathratul aqwal kathratul kutub et citer al-khilaf et détailler al-tawassu' sans appliquer. Hada, c'est pas min al-ilm. Al-salaf radiyallahu ta'ala anhum, ils apprenaient et ils appliquaient. كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم يزبخن دي فيرس ويتعلمون معناها ويعملون بها. يزبخن دي فيرس يزبخن le sens et ils appliquaient. C'est ça العلم. فلهذا تتخوف أن الكلام عند السلف لتقليل والعمل كثير. تتخوف عند بعض المؤخرين ربما كلام كثير العمل إلى قليل حتى en apparence il n'applique pas السنة. هذا ça contredit هذا العلم لأن العلم c'est une نعمة et le but c'est l'application. فعلم أنه لا إله إلا الله هكذا قال جل وعلا. فنقرأ هذا الباب ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في صلاة التراويح وأحكامها مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة. هذا هو الحكم سئن سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم تركها. C'est pas واجب, c'est pas une obligation. فمن تركها لا يأثم. Il commet aucun péché. لكن المسلم لا يفوت على نفسه الأجر والحسنات. فهو شهر فقط, c'est qu'un mois. Et vous voyez الآن comment les jours ils défilent, les semaines elles passent très vite, بل les mois. الحمد لله aujourd'hui on commence صيام هذا الشهر. Et hier القيام il a débuté في المساجد أي صلاة التراويح. Et comme tous les ans, بل année après année ربما ça passe plus vite. فالمسلم il en profite. شهر بسرعة ça passe. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القيام, هذه السنة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم il a appliqué, ses compagnons رضي الله عنهم après lui كذلك ils ont fait cette salat, ils ont accompli salat al-tarawih. فمن فعلها إيمانا واحتسابا bien sûr, avec une bonne niya, ay lillahi azza wa jalla, en espérant la récompense, pas pour se montrer, ou parce que les gens y font et l'insan y fait, ou ça devient comme une coutume, là, imanan wa ihtisaban, lillahi azza wa jalla wahda, et parce que c'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il espère l'ajr. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي عن من صلى هذه الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه الله lui pardonne ses péchés passés. Et ça c'est un فضل عظيم. Et on a tous besoin de هذا. فالذنوب كثيرة والغفلة كذلك. هذه c'est une فرصة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا الصيام. ففي هذا الشهر تسد دو بوان دو نعمة عظيمة. القيام والصيام فسين سنة سمي التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات لأنهم كانوا يطيلون الصلاة ça vient de الراحة vous connaissez le mot الراحة يستريح التراويح ça vient de ce mot أي كانوا يستريحون أي après les quatre premières rak'a ils faisaient une pause et la pause en arabe c'est راحة فلهذا ils l'ont appelé صلاة التراويح قال وفعلها جماعة في المسجد أفضل فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي فحكم الصلاة المام C'est une sunna mu'akkada et l'afdal c'est de la faire au masjid. فَقَدْ صَلَّاهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِأَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَيَالِي Et c'est ça le dalil. أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّاهَ فِي الْمَسْجِدِ أَوَّلًا Au départ, النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ il a fait cette salat, qiyam ramadan, tarawih, fi l'masjid. ثُمَّ nuit après nuit, كَانَ الْعَدَدْ يزداد أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزم الخير يزم suivre النبي صلى الله عليه وسلم à chaque nuit quand ils étaient informés de cette salat ils se rendaient au masjid du prophète صلى الله عليه وسلم et ils faisaient salat معه ثم au bout de quelques nuits النبي صلى الله عليه وسلم il a arrêté لماذا لأنه إكخني عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة elle devient obligatoire. فلهذا il a arrêté في المسجد. فلما مات صلى الله عليه وسلم وزال هذا الخوف أي من الوجوب. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il est mort. Donc il n'y avait plus cette cause. لأن avec la mort du prophète صلى الله عليه وسلم كذلك la révélation elle s'est arrêtée. Donc الصحابة رضي الله عنهم يكخني بلو كال دفين أوبليغاتوار لأن الوحي إسي أغيتي فعمر رضي الله تعالى عنه إلى ديسيدي دو غاسمبلي المسلمون في المسجد دو فيغ الصلاة دغير أنيما أوي رضي الله تعالى عنه هذا سامونتر أن الأفضل سي في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فت في المسجد كذلك الصحابة رضي الله عنه après le prophète صلى الله عليه وسلم ils l'ont fait في المسجد وإلى يومنا هذا ولله الحمد c'est une sunna qui est répandue في جميع البلدان قال فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم فسال علة la question qu'on peut se poser pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il a fait que quelques nuits ثم il s'est arrêté alors que c'est une sunna. النبي صلى الله عليه وسلم recevait la révélation et il avait peur qu'elle devienne obligatoire. Il a arrêté de la faire في المسجد. كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس. C'est ce qu'on a cité au départ. أن nuit après nuit le nombre il augmentait. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. إما la troisième nuit, إما la quatrième nuit. Et اجتمعوا comme d'habitude, ils se sont rassemblés في المسجد. فلم يخرج إليهم. sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti de chez lui. فَلَمَّا أَصْبَحْ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضْ عَلَيْكُمْ. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a informés, il leur a montré pourquoi il n'est pas sorti le lendemain. Et il leur a dit, Annahu sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus. Et il savait qu'ils s'étaient rassemblés fil masjid, lakin il n'est pas sorti de peur, de crainte que cette salat elle devienne obligatoire. Alayhi sallatu wassalam. فالحديث إلى في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك في رمضان. نعم هذا ستة في رمضان. وفعلها أو وفعلها صحابته من بعد. نستفيد من قوله وذلك في رمضان أن الاجتماع في المسجد pour faire قيام الليل c'est من خصائص رمضان. أما في غير رمضان فcelui qui fait قيام الليل il le fait في بيته. وفعلها صحابته رضي الله عنهم من بعده وتلقتها أمته بالقبول. Toute la umma الآن ولله الحمد elle a accepté et elle pratique cette sunnah ولله الحمد. Et في الحقيقة il y a un خلاف, est-ce que l'afdal c'est de faire à la maison ou في البيت. لكن القول الراجح c'est que le mieux الأفضل السنه c'est d'accomplir cette salat fil bayt. كذلك c'est anshat للعبد. ربما في البيت الانسان il a pas de nashat qu'il a en groupe. ربما يصلي ليله ثم يصلي moins, ربما يدلسه, peut-être que ça sera court. لان المسلم il est قوي مع الجماعه. فبعض العلماء ils ont رجح ان الافضل c'est في المسجد en s'appuyant sur hadith Aisha radiyallahu anha qu'on a lu et d'autres preuves. Et كذلك anna fil jama'a il y a des fawaid akthar. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla. Hadha san dalil qawi pour montrer anna al-afdal c'est fil jama'a. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man qama ma'a al-imam. Ay celui qui fait salat ma'a al-imam حتى ينصرف jusqu'à la fin كتب له قيام ليلة. الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه وهو في صحيح المسند للإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. فالحديث إليه صحيح ثابت. سنموت هذا كذلك أن on fait des efforts في صلاة التراويح et on fait كذلك des efforts pour faire la salat entière avec l'imam. لأن الأجر العظيم من قام مع الإمام حتى ينصرف أي jusqu'à ce que l'imam finisse كتب له قيام ليلة. أي il a la récompense comme s'il avait fait salat toute la nuit. Même si القيام il a duré que une demi-heure ou une heure ou أكثر ou أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette récompense كتب له قيام ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها. سين سنة ثابتة فالمسلمون يدوفر des efforts في هذا. Même si c'est pas obligatoire. والحذر من شبهة ألقاها إبليس على ضعفاء النفوس والإيمان أنهم quand il y a une sunnah فإلا دلس en prétextant que c'est une sunnah. والله المستعان. مثلا si tu l'encourages à faire صلاة التراويح فيقول c'est une sunnah, c'est pas obligatoire. نعم c'est une sunnah, on est d'accord. لكن pense au أجر. أما البعض il pense qu'au côté أنها, si je la délaisse, j'ai pas de péché. Et c'est sahih. Celui qui fait pas salat al-tarawih, la ithma alayhi, l'annaha c'est une sunnah. Lakin pense aux hasanat. Est-ce que tu as assez de hasanat pour délaisser ces sunnah? Est-ce que tu ne veux pas de hasanat? Abadan, chaque musulman il veut des hasanat. C'est une force azima. Fait dunya, quand il y a un plus, que ce soit dans le salaire ou autre, personne ne le rejette. L'annaha dunya. Enfin, pourquoi quand c'est lié au din, on rejetterait les récompenses en plus avec les actes qui ne sont pas obligatoires. Ça nous montre c'est une choubha que Iblis il a propagé via des l'umma pour écarter les gens du khayr. Est-ce qu'on doit faire que les choses obligatoires? Celui qui veut l'ajr, il fait les choses obligatoires, et qui fait les choses recommandées. Khassatan, celui qui pense à yawm al-qiyam. Khassatan, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et il adore Allah subhanahu wa ta'ala bimahab, il se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala, yataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bilwajibat et kadhalik bisunan. Qala, حفظه الله أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك واسع. Après avoir cité الحكم أنها سنة et الأفضل c'est de l'accomplir au masjid et كذلك les mérites أن celui qui fait cette salate الله سبحانه وتعالى lui pardonne ses péchés antérieurs. Le Cheikh Hafidhahullah yathkur al-adad, ay le nombre. Combien de raka'a? Wa qala huna falam yathbut fihi shay'un 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wal amru fi dhalika wasi'. Thabata 'an 'Aisha radiyallahu 'anha kama fi as-sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma zada fi Ramadan wa la fi ghayri Ramadan على 11 ركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم il dépassait pas 11 ركعة que ça soit في رمضان أو في غير رمضان. الحديث اللي في الصحيح كذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Et ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il faisait 13 ركعة. Les 11 que Aïcha a cité dans le premier hadith رضي الله عنها qu'on a lu, et dans ce hadith رواية في صحيح مسلم أنه avant de commencer il faisait 2 ركعة خفيفة légère. وبعض العلماء يذكرون أن C'est pour avant de commencer les 11 qui étaient assez longues, il commençait par 2 khafif, radiyallahu alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, on a des ahadith qui montrent anna nabi sallallahu alayhi wassalam il dépassait pas 11 ou 13. Et c'est ça sahih. Fal afdal as-sunnah, c'est de ne pas dépasser hada al-adad. Li anna Aisha radiyallahu anha, c'était a'lamu an-nas bihi sallallahu alayhi wa sallam. C'était sa femme, elle vivait avec lui et elle le voyait la nuit, annahu il dépassait jamais 11 rak'a. Et des fois il faisait 2 rak'a khafifa, avant ça faisait 13. Fa hadha huwa al-qawl as-sahih. Baqiya, est-ce que on peut dépasser am la, c'est une autre mas'ala. Ce sujet, pour le comprendre, tu dois savoir anna as-sunna ma thabata an Aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il dépassait pas 11 ou 13 alayhi salatu wa sallam. Fahada, c'est un point, c'est une sunna. Thumma, est-ce qu'on peut dépasser, c'est autre chose. Li anna antabihu, al-an on n'a pas un قول من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا vous dépassez pas 11 ou 13. لا, on n'a pas هذا, on a son فعل. وتقدم معنا أو مع بعض الإخوان في دروس الأصول أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم c'est الندب, أي c'est une sunna, c'est recommandé. فjusqu'à maintenant on n'a pas une parole du prophète صلى الله عليه وسلم أن c'est interdit de dépasser. فلهذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا واسعا. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فنقرأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي 36. شيخ الإسلام رحمه الله يقول c'est permis de faire 20 ركعة. C'est le madhab de l'imam Ahmed et de l'imam Shafi'i. كذلك c'est permis de faire 36 ركعة. كما هو مذهب مالك وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن. أي شيخ الإسلام يرى pas de mal à dépasser ça. Ça nous montre أن بعض أهل العلم bien sûr ils connaissent le hadith Aisha رضي الله عنها et le cite, لكن pour eux c'est pas une limite. Là, c'est un fi'l que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait, il avait l'habitude de faire. Enfin, c'est afdal, c'est une sunnah. لأن النبي sallallahu alayhi wa sallam c'est القدوة, الأسوة. لكن dépasser عندهم, il n'y a pas de مانع. فلهذا شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال والأمر في ذلك واسع. Il n'y a pas de mal في هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وكل حسن, أي والكل حسن. L'essentiel, c'est l'ikhlas. L'essentiel, c'est de ne pas inventer une chose que les sahaba ou les salaf, radiyallahu anhum, ils n'ont pas faite. قال فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. Et ça, c'est un point qu'il faut bien prendre en compte pour comprendre. النبي صلى الله عليه وسلم, il faisait les 11 rak'a ou 13 rak'a et elles étaient assez longues. فلهذا هذه الركعات que النبي صلى الله عليه وسلم faisait, elle prenait une partie de la nuit. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع قبل ذلك في القيام في القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود إلى آخره. فça prenait une partie de la nuit. فcelui qui fait ces 11 ركعة مثلا un imam dans un masjid il les fait assez long ويكثر من القراءة والذكر والدعاء. Donc le recours il est assez long, le sujoud il est long, le qiyam il est long, et ça prend une partie de la nuit. Falhamdulillah, c'est sunnah et c'est afdal al kayfiyat. Lakin on a un cas l'an khasatan fi masajid al awam, ils n'ont pas l'habitude de l'itala fi le qiyam ou fi le sujoud ou fi le recours. Si tu fais ces 11 raka'a comme ils font eux très courts, probablement ça prendra une très courte partie de la nuit. خاصةً في العشر الأواخر, les 10 dernières nuits de Ramadan où c'est recommandé de faire salat le plus longtemps possible la nuit. فبعض العلماء بسبب هذا ils ont dit si c'est long et واحد il applique les 11 rak'a, فالحمدلله c'est l'awdal, c'est sunnah. Et si les gens ils n'arrivent pas, لا يتحملون, et un imam il fait court lakin il fait plusieurs rak'a, لأن c'est plus simple avec des pauses entre les rak'a'at, فهذا كذلك لا مانع. Et بعض السلف ils ont fait هذا. قال شيخ الإسلام وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي رضي الله عنهم. الإمام c'était أبي, من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن. Il faisait partie des compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait le plus de ilm fi kitabillahi azza wa jalla. C'est pour ça que c'était l'imam. Salla bihim 20 rak'a. Hadha al-athar 'an Umar radiyallahu anhu. Tu as deux riwaya. Une riwaya wal isnad li sahih anna Umar radiyallahu anhu il leur a recommandé de faire salat derrière Ubay ibn Ka'b et ils ont fait 11 rak'a ou 13, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-athar an Umar il est sahih. Al-imam Malik, rahmatullah alayhi, il l'a rapporté fil muwatta. Kedalik, cette riwaya que Cheikh al-Islam, rahimahullah, il cite, annahum ils ont fait 20 rak'a, 20 rak'a. Hadihi riwaya, dha'afaha al-imam al-Albani, rahimahullah. Cheikh al-Albani, et ça c'est une faïda pour celui qui veut approfondir le sujet, il a détaillé ce point, Salat al-Tarawih, dans une risale. Et il l'a appelé Salat al-Tarawih. Et c'est une base dans le sujet. Et elle est tayyiba jiddan. Ou à cette risale, on cite une partie de Tahqiq Nail al-Awtar, al-Muhaqqiq, il a cité Kalam Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi. Qala al-Imam al-Albani, rahimahullah, fi Salat al-Tarawih, page 57. قلت أي شيخ الألباني هذه الطريق بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح وظاهر إسناده الصحة en apparence الإسناد il est صحيح فلهذا كثير من أهل العلم يزن صحح هذه الرواية أي عن عمر رضي الله عنه أنهم يزن في 20 ركعة ومنهم شيخ الإسلام كما ترى هنا شيخ الألباني رحمة الله عليه قال أن en apparence الإسناد il est صحيح قال ولهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته وتجعله أي الأثر ضعيفا منكرا شيخ الألباني رحمة الله عليه يدي أن ست رواية أي لذارك عن عمر رضي الله عنه فيها علل أي ضعيفة منكرا pourquoi parce qu'elle contredit l'autre riwaya et elle contredit حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ne dépassait pas 11 ركعة حديث عائشة رضي الله عنها et il a cité des علل العلل c'est le pluriel de علل أي c'est un défaut dans la chaîne de transmission أو dans le متن et هنا قال شيخ الألباني الأول أي السبب الأول العلة الأولى أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه منكر الحديث الإمام أحمد رحمة الله عليه il a dit sur ce rapporteur ابن خصيفة et c'est un des rapporteurs de la riwaya les 20 ركعة قال منكر الحديث خاصة هنا الكلام c'est إذا تفرد s'il contredit les autres avec une riwaya, فهنا il a contredit l'autre riwaya des 11 ركعة عن عمر رضي الله عنه et il a cité 20 ركعة فبعض العلماء يرجت سا رواية منهم الإمام الألباني هذه سين علة سين ديفو dans la chaîne de transmission qui montre que le hadith أو الأثر il est ضعيف قال ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لا يرويه الثقات أي أحيانا ابن خصيفة رحمة الله عليه il cite une chose que les autres rapporteurs الثقات ils ne rapportaient pas ça montre أن أحيانا il cite une chose qui contredisait les autres et cette chose elle est ضعيفة Et on a un exemple هنا avec أثر عمر رضي الله عنه لابن ركعة كذلك من العلل شيخ الألباني لا سيت أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد كذلك ابن خصيفة رحمة الله عليه il a cité plusieurs عدد une fois il a cité 20 une fois il a cité d'autres nombres ça montre أن رواية العشرين elle n'est pas محفوظة c'est pour ça qu'il y a eu هذا الاضطراب أي des contradictions dans le nombre Et d'autres علل, on ne s'attarde pas في هذا, on ne détaille pas, ربما يشكل على بعض الإخوان. المهم, celui qui veut les détails, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dans cette risala, Salat al-Tarawih, il a détaillé pourquoi cette riwaya elle est ضعيفة عن عمر رضي الله عنه. كذلك شيخ ابن عثيمين, رحمه الله, في كتابه النفيس, الشرح الممتع, Il a démontré أن cette riwaya عن عمر elle est ضعيفة. قال فإن قال قائل قد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة قلنا هذا أيضا ليس بصحيح الشيخ العثيمين كذلك ضعف cette riwaya وإنما روى يزيد ابن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة ويزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر il a cité une autre riwaya avec une autre illa أن يزيد il a pas rencontré عمر il faisait pas il a pas assisté à cette époque il est venu bien après فيا انقطاع il y a une coupure dans l'isnad قال فيكون في الحديث انقطاع ثم الحديث ليس فيه نص على أن عمر اطلع على ذلك فأقره إلى آخره ثم قال ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة c'est ça صحيح في موطأ مالك avec une chaîne de transmission claire أن عمر il a ordonné أبي de faire 11 ركعة قال وهذا نص صريح وأمر من عمر رضي الله عنه وهو اللائق به رضي الله عنه لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد ça appuie كذلك لأن عمر رضي الله عنه c'était من أشد الناس تمسكا بالسنة. Il faisait partie de ceux qui suivaient le plus la sunna. Donc cette riwaya fil Muwatta, elle est en concordance avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا هو القول الراجح أن la riwaya عن عمر les 20 rak'a elle est ضعيفة. قال شيخ الفوزان. On est toujours في كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر والحد المحدود لا نص عليه من الشارع. شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى دابي أنه يبقى النص كي ليميت. أما قول عائشة رضي الله عنها سمونت فعل النبي صلى الله عليه وسلم دونك سميو. أما une limite on n'a pas le droit de dépasser. هذا فيه نظر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما شيخ الألباني رحمه الله في الرسالة المذكورة آنفا أي صلاة التراويح إلى دابي عليه رحمة الله أنه on n'a pas le droit de rajouter لأن العبادة توقيفية والنبي صلى الله عليه وسلم إلى pas rajouté فpersonne a le droit de rajouter بعده. هذا سنقول. أي قول آخر قول شيخ الإسلام كذلك قول شيخ الفوزان وكثير من أهل العلم أنه سأفضل لـ 11 و لـ 13 ركعة et celui qui rajoute فلا ينكر عليه. C'est pas une bid'a, c'est pas haram. C'est ça خلاصة الخلاف في هذه المسألة. على كل حال on résume أن صلاة التراويح c'est une sunna. Donc on fait des efforts. والأفضل c'est que cette salat on la fasse fil masjid comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma il a arrêté de la faire par crainte que ça devienne obligatoire. Thumma Umar radiyallahu anhu amara an-nas de faire la salat derrière Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et il faisait la salat fi al masjid. Hadith Aisha radiyallahu anha il montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il rajoutait pas à la 11 rak'a. Et dans une riwaya fi sahih muslim, annahu il commençait salat al-layl avec 2 rak'a khafifa. Kana sallallahu alayhi wa sallam idha qama min al-layl iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn. Hadith il est fi sahih muslim. Donc l'afdal c'est de se limiter à 11 ou à 13 kama fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fahadha c'est l'afdal. Pourquoi? Li'anna on a un fi'l du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكن on a d'autres ahadith منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث أبي ذر رضي الله عنه في سنن أبي داود إيه صحيح. Ce hadith montre أن celui qui suit l'imam حتى ينصرف. بعض العلماء ils ont pris comme argument ce hadith أن même si l'imam il dépasse 11 rak'a ou 13 rak'a et ce musulman qui prie derrière, il le suit, il a la récompense de Qiyam al-Layl. Et ils ont pris comme argument ce hadith pour démontrer que ce n'est pas limité. كذلك, قول النبي صلى الله عليه وسلم, صلات الليل مثنى مثنى. Et صلات الليل, c'est 2-2-2. Et 2 rak'a, 2 rak'a, 2 rak'a. Avant de l'ulama, ils ont cité كذلك ce hadith et ils l'ont pris comme argument pour démontrer que صلات الليل, c'était 2-2-2. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا خشي أن يطلع الفجر فيوتر بركعة. S'il a peur que le jour il se lève, le fajr, l'heure du fajr elle arrive, il clôture son qiyam avec le witr, une rak'a. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متنا متنا أي دو دو دو. S'il a peur du fajr, أي que l'heure du fajr elle arrive, il fait une rak'a. فترى أن الخلاف il est قوي في هذه المسألة. فلهذا الذي إن شاء الله نراه أنه الراجح أن الأفضل c'est de se limiter à 11 ou à 13 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui rajoute فلا ينكر عليه لأن أدلة أصحاب القول الثاني أي qui ne limite pas كشيخ الإسلام كذلك c'est des أدلة قوية. Et قول شيخ الألباني رحمة الله عليه qu'il a détaillé dans sa رسالة كذلك c'est un قول قوي. فpour celui خاصة طالب العلم كي bien sûr il recherche le haq il doit étudier en détail. نحن on détaillera pas, ça prendrait trop de temps. il doit détailler et il étudie al-hujaj, il est adil, al-nusus, des deux avis. Thumma inshallah sayatabayyan lah un qawl sahih, il le prend, thumma il fait des efforts fi as-salat wa yukhlis an-niyya wa yajtahid, et inshallah il sera ala khair. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi al-sharh al-mumti', il est d'avis que al-afdal c'est de ne pas dépasser 11 ou 13 comme taqaddam. Thumma il a démontré annahu la yunkar ala man zad bal nasaha bi nasihatin tayyiba qala al-sharh al-mumti' al-mujallad al-rabi'. لا ينبغي لنا أن نغلو ونفرط فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم عاصي. القول بعدم الزيادة سيقول معتبر قوي نصره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن هذه النصيحة للطيبة الخلاف لقوي والإنكار عياذا بالله accusé celui qui rajoute de البدعة et d'être un مبتدع فهذا c'est grave. هذه مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم، فالنصيحة أن كل واحد يشوازي le قول pour lui c'est الصواب الصحيح et il a des أدلة ويجتهد في القيام. Et s'il y a une مناقشة entre طلبة العلم des frères qui maîtrisent le sujet et qui connaissent l'adilla wa yatanaqashun bi hudu wa bi ilm wa bi ihtiram, et chacun montre son qawl à son frère, fa tayyib, hada la mani. Pour comprendre al masail al khilafiyya il faut avoir une bonne niya awlan, كذلك il faut rassembler al adilla comme on a cité souvent hadith Aisha radiyallahu anha, كذلك حديث صلاة الليل متنا متنا تولي حديث كنا سيتي و ادوتر. كذلك il faut étudier أقوال أهل العلم، قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه لقوي، قول شيخ ابن عثيمين كذلك، قول شيخ الألباني كذلك لقوي جدا. هذا فالطالب يدرس إن شاء الله يستطيع بك النتيجة أي سكوى الأقرب عنده، والله تعالى أعلم. ولعل un jour si on a plus de temps on détaillera أكثر. كذلك بعض العلماء يذكرون أن الجمع هنا il est ممكن، لأن هنا أحاديث كي montre que النبي صلى الله عليه وسلم il dépassait pas 13، هنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل متنا متنا أي سي 2-2-2 ثم si l'heure du فجر elle arrive on finit par 1، فالجمع il est ممكن في هذا الحال. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال أن صلاة الليل متنا متنا il est précisé par حديث عائشة رضي الله عنها، أي سان قول قوي. Et c'est ce qawl qu'on a détaillé dans les durus qu'on faisait auparavant. C'est un qawl tayyib et qawl. Lakin fil haqiqa al-jam' il est mumkin comme a qala ba'd ahl al-'ilm. Anna fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ça montre que c'est afdal, et qawluhu sallallahu alayhi wa sallam matna matna ça montre al-jawaz, la permission. Fil haqiqa il y a pas de contradiction. Et celui qui spécifie حديث صلاة الليل متنا متنا avec حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم dépassait par 11 ركعة فكذلك سان قول قوي. فهذه المسألة demande البحث أكثر والتأني et une دراسة علمية sans تقليد avec إنصاف. Et الحمد لله كما قلنا l'essentiel c'est de faire هذا القيام بإخلاص en appliquant حديث النبي صلى الله عليه وسلم et en espérant la récompense. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا فلزغ مراجع celui qui veut détailler رسالة شيخ الألباني رحمة الله عليه صلاة التراويح، وكذلك في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين إلى détailler في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع un point sur صلاة التراويح إلى détailler رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام وكثير من الأئمة أي أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود. صلاة التراويح القصد bien sûr c'est de réciter le Coran بالتدبر أي en comprenant la récitation de l'imam. Celui qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à comprendre, il fait des efforts. Et il fait des efforts dans la langue arabe, il fait l'ilm, hatta inshallah il comprendra. Et al-a'imma qui maîtrise la langue arabe et qui comprennent, fala yambari de se précipiter. Ba'd al-a'imma, tellement qu'il récite vite, tu n'arrives même plus à entendre ماذا يقول, ماذا يقرأ. Et ce n'est pas ça le but. Le but de Tarawih, ce n'est pas de absolument finir le Coran. Ce n'est pas un shart. Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min ma taqaddama min dhanbi. L'essentiel c'est de faire salat tout le mois, que ça soit avec une partie du Coran, que ça soit tout le Coran, que ça soit plus d'une fois, deux fois, trois fois au moins. Al-amr sahl, l'essentiel c'est de méditer fil ayat. C'est ce tanbih qui fait cheikh l'islam huna qala wa la yatma'innuna fi ar-ruku' wa la fi as-sujud. Précipitation bal ba'd al-a'imma والله المستعان ils se précipitent كأنهم ils veulent absolument finir pour aller faire autre chose. فلا طمأنينة في القيام ولا في الركوع ولا في السجود بل بعضهم ils laissent même pas le temps à ceux qui font salat derrière eux de faire al-athkar ou al-du'a, alors que c'est un moment mubarak, Ramadan, et كذلك c'est في الليل. Et مع هذا tu les trouves ils se précipitent. قال والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله. C'est ça le but de salat. حضور القلب. C'est que le cœur il soit présent. C'est pas que nos membres. On va au masjid, on fait tarawih, il y en a tout le monde fait tarawih. Et parce qu'il faut le faire. Alors que c'est pas obligatoire, aslan. لكن البعض كأنهم ils se sont imposés هذا. Et l'essentiel c'est qu'ils assistent. Et ils font quelques rak'at et ils rentrent chez eux. C'est pas ça le but. Le but c'est hudur al-qalb, c'est que le cœur il soit présent, ce cœur il médite. Qala hudur al-qalb bayna yaday Allah ta'ala wa itti'aduhu bi kalam Allah idha tutla wa hadha la yahsul fi al-ajal al-makruha. Hadha la yahsul. لماذا؟ لأن le but c'est de méditer. Comprendre la récitation. Wa hadha la yahsul bil ajal. En se précipitant, on ne peut pas appliquer hadha. Comme قال الشيخ رحمه الله. وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة. Faire 10 ركعة avec le witr 11 ou 13 et c'est ça l'afdal comme a taqaddam. Et calmement, en méditant sur les versets, en prenant du temps sur le ruku' ou le sujoud, c'est mieux que faire 20 ركعة et se précipiter. بل تقدم معنا أن faire 11 ركعة ou 13 ركعة c'est afdal à la kulli hal. لكن البعض شيخ الإسلام يمضغ أن كأنهم يسون attirés et pensent que plus tu fais mieux c'est là. دين c'est pas هكذا. Notre دين c'est pas fondé sur plus tu fais mieux c'est là. Notre دين c'est fondé sur celui qui fait un عمل. Plus il est sincère et plus il suit النبي صلى الله عليه وسلم plus il est récompensé. أما الكثرة أحيانا c'est des rajouts, c'est des بدع, c'est des péchés, c'est pas accepté. بل celui qui rajoute il est آثم. Faire attention à ce مبدأ. Plus on fait mieux c'est. Din il n'est pas fondé sur hada. Abadan. Din il est fondé sur des adillah, sur des preuves. Celui qui applique ses preuves bi ikhlas, inshallah il a al ajr. Qala li anna lubb as salah wa ruhaha huwa iqbal al qalb ala Allah azza wa jall wa rubb qalil khayr min kathir. Rubb qalil khayr min kathir. Il se peut que une petite chose elle soit préférable عند الله qu'une grande chose. Aïe, min haïd huna al-adad. Peut-être que 10 rak'a bi ikhlas et en appliquant sunnah, c'est mieux que 30 rak'a, 40 rak'a. Bel rubama 3 rak'a. 3 rak'a, ça peut être mieux que 10, 11, 13. Ça dépend de niyat al-shakhs. Qala wa kadhalik tartilu al-qira'a afdal min al-sur'a. Wa al-sur'atu al-mubaha hiya allati la yahsul ma'aha isqatu shay min al-huruf. فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجوز ذلك. بعض الأئمة tellement qu'ils se précipitent, certaines lettres ils les prononcent plus. Ils récitent rapidement. هذا لا يجوز. C'est pas permis هذا. Qui c'est qui leur a imposé هذا? Si il peut pas réciter longtemps, récite peu et calmement. أما البعض ils se sont imposés de lire le Coran une fois par mois. فإذا doit lire مثلا un juz toutes les nuits. Deux حزب. Pour finir le Coran, 60 hizb. Deux hizb parmi un juz. Et, la haqiqa, c'est yassir, c'est khafif jiddan. En lisant calmement, ça prendra pas beaucoup de temps. Lakin ba'dhum, ce juz, ils veulent le lire en madri, en un quart d'heure, en 20 minutes. Maroubama, il se précipite. Avec le ruku, avec le sujoud, ça laisse peu de temps pour le qara'a, il se précipite. Cheikh al-Islam, il fait une nasiha. Annahu, il récite calmement. Wa yata'ammal, yata'dabbar fil ayat. S'il arrive à finir le Coran, alhamdulillah, s'il le finit pas, qui c'est qui a imposé de finir le Coran fi Ramadan? Personne. Lakin al-jahl. Qala. فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. Et c'est ça le but. قراءة هادئة بالترتيل en prononçant chaque lettre. Et هذا une belle lecture كما لا يخفى, ça facilite pour le khushu. أما الإمام lui-même il n'a pas le khushu, lui-même il se précipite. Enfin, pour ceux qui sont derrière, ça va être très difficile. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِلَا فَهْمَ مَعْنَاهُ فَقَالَ تَعَالَى وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي أي تِلَاوَةً بِلَا فَهْمَ. Allah subhanahu wa ta'ala ذَمَّ هَذَا الصِّنْفِ. هذا القرآن c'est pas مجرد une lecture. La chakana, une simple lecture, il y a du ajr pour chaque lettre dit hasana. لكن l'objectif et le but, c'est de comprendre. Pour appliquer. قال والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة انتهى كلامه رحمه الله. C'est ça le but de هذا القرآن. للأسف on vit à une époque أن كثيرا من الناس هذا القرآن c'est devenu un décor pour eux. L'accrocher, l'afficher. وبعضهم ربما s'il va à Mecca ou à Medina, ils doivent acheter un mushaf. Pas pour le lire. Et fait بعض البيوت والله المستعان des masahif ils ont jamais été ouverts. Et des masahif différentes couleurs, différentes tailles, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but c'est de comprendre هذا الكلام. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il arrive les هذه الآية. Allah subhanahu wa ta'ala via le kitab il montre qu'est-ce qu'il veut من هذا الانسان qui fasse. Et أنت t'es un بشر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فت'es concerné. Pour savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as deux façons, le Coran ou le Sunna. Faqat. Donc, le musulman, il doit faire des recherches via le Coran. Amma une qira'a et on ne comprend rien, et ba'dhum akthar, même le qira'a, il n'y a plus. C'est ça qui a poussé l'umma ila hadha al-jahl. Et l'umma al-an, beaucoup. ولله الحمد الخير حاصل لكن beaucoup ils se sont écartés du haq. لماذا؟ لأنهم ils se sont écartés du Coran. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود. الطمأنينة c'est un ركن في الصلاة. طمأنينة c'est ne pas se précipiter. La bud an al musalli reste un moment raki'an sajidan qa'iman. Amma le ba'd se précipite hatta fi salat at-tarawih. Alors qu'elle n'est pas obligatoire aslan. Celui qui l'a fait, il l'a fait à al wajh al mashru'. Amma se précipiter et ne pas lui donner son haq, fa hada c'est khilaf as-sunnah. قالوا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة. بعضهم كأنهم veulent se débarrasser, fait ils prennent le nombre le plus petit. مثلاً, si on dit que le plus petit nombre في التراويح c'est 11 ركعة, ils se précipitent. Alors, le مشكل c'est quand ça vient d'un imam. Et l'imam il est suivi, il a une mas'oulia. Fait celui qui fait imam, Allah subhanahu wa ta'ala yassara lahu annahu devienne imam, il doit penser à cette mas'ouliya. Il a une responsabilité. Imma, cette responsabilité, il la prend comme il faut, il applique la sunna. Et s'il n'est pas capable, un autre, il prend sa place. Qala, wa hadha tala'ubun bil'ibada. Ta'ammal hadha al-kalam. Cheikh al-Fawzan, il dit hadha tala'ub. Haoula, il joue bil'ibada. L'amr, il n'est pas simple. فالسلوي كي أست مسؤولية فليتق الله عز وجل في نفسه وفي المسلمين. قال فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ولا يحرم أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع وفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح. On a oublié de noter une mas'ala, en celui qui pense qu'il ne faut pas dépasser 11 raka'a ou 13 raka'a ou l'imam, il fait akthar, fa'ala al-khilaf al-sabiq. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mani à dépasser, enfin, tu suis l'imam pour avoir la récompense, et ceux qui disent tu ne dépasses pas, que Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, ou Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il est ala hada, annahum, si l'imam il dépasse, anta tu arrêtes. Tu arrêtes les anna indahum, il a rajouté, il a dépassé al-mashru', et c'est pas mashru' de rajouter. Et comme taqaddam fil khilaf, ala kulli hal, celui qui ne continue pas avec l'imam, fala yuz'ij al-akharin. S'il reste au masjid, il reste bihudu wa yaqra al-Qur'an. Et si il veut parler, fa yakhruj min al-masjid. Ça arrive tous les ans dans certains masajid, ils prennent cet avis, et c'est un avis qawi, il ne faut pas dépasser, et ils restent dans le masjid, et ils ont l'akharin. L'iz'aj, la yajouz, rajouter si, واحد il voit que ce n'est pas permis, فكذلك, déconcentrer les autres, gêner les autres, ce n'est pas permis. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Tu n'as pas le droit d'élever ta voix avec le Qur'an et tu gênes ton frère. Ça, c'est si tu récites le Coran. Ma balouk reste au masjid. Ba'dhum, ils restent au fond. Et ils sont rubama une jama'a, un groupe, et ils parlent rubama dhahik wa kalam murtafi' et ils gênent le musallo. En prétextant que sunna, c'est de ne pas rajouter. Non. La chacun al afdol, c'est de ne pas dépasser. Enfin, celui qui ne dépasse pas, s'il reste au masjid, il yuraji' le Coran. Ou il écoute la récitation de l'imam. Et si. Il a quelque chose à faire, fa yakhruj. Et s'il veut parler, fa yakhruj. Voilà. كذلك الحذر. Et on finit هذا الدرس بهذا من بعض البدع المنتشرة pendant صلاة التراويح. منها الذكر الجماعي après صلاة التراويح. C'est une bid'a. Ceux qui font ça, ils n'ont aucun dalil, aucun burhan. Après صلاة, après التسليم, الذكر الجماعي, c'est pas مشروع. C'est بعض المساجد. Tu les vois et tu les entends, nahum, directement après Teslim, yarfa'ouna aswatahum, et ils récitent Athkar, ba'd al-Athkar, jama'atan, tout ça c'est min al-bida'. On n'a pas le droit de participer à hada. Kadalik, ou naqra kalam al-lajna, da'ima, waffaqahumullah, qalu al-Athkar, ou al-salat, ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jama'atan, aqib al-salat, ay ba'd al-salat, faridatan, ou nafilatan, أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة. C'est ça le قول الصحيح, c'est une bid'a. Que ça soit entre الركعات أو après الصلاة. الذكر الجماعي c'est une bid'a. Que ça soit après الصلاة الفريضة, الظهر والعصر, etc. أو après التراويح. أو entre les ركعات. Tout ça c'est من البدع. كذلك من المخالفات ومن المحدثات, c'est de faire des دروس ou des محاضرات entre الركعات. السلف ne faisait pas هذا, فهذا يترك. الدروس, il y a un moment spécifique et le moment de tarawih, c'est tarawih. Amma entre raka'at, faire des muhadarat ila akhirih, tout ça, ça n'existait pas à l'époque de السلف, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sahaba radiyallahu anhum. كذلك من البدع تلحين الدعاء والإطالة, أي دعاء القنوت. دعاء القنوت, c'est مشروع في الوتر. لكن بعض الأئمة يفون مخالفات فيطيلون ربما أكثر من الصلاة. Vous avez remarqué هذا. أن les deux rak'a ربما sont خفيفة et le qunut il est très très long. كذلك التلحين. أنهم ils embellissent leur voix. Et بعضهم ربما عند دعاء القنوت il pleure. Et tu l'entends أنه يقرأ بخشوع. Et قراءة القرآن il la récite très rapidement. Tout ça c'est des mukhalafat. Dua al-qunut, comme جاء في حديث الحسن رضي الله عنه, c'est un dua très court et في الحقيقة يكفي. أما rajouter, خاصة avec التلحين en embellissant sa voix كأنه c'est du Coran, tout ça c'est des bid'a et des mukhalafat, muhdathat qui ont été rajoutés après l'époque de Sahaba رضي الله عنهم. Et d'autres bid'a qui sont répandues, ça dépend des Ça dépend des bilates. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الدروس وأن يثبتنا حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحمد لله نفني هذا الباب en cours باختصار. لعل avant le عيد on essaiera de trouver une fursa pour lire ما يتعلق بزكاة الفطر et si on a le temps inshallah ما يتعلق بصلاة العيدين. وفق الله الجميع.